Allô, allô. On va avoir un peu plus de son nom. Bon, monsieur Asitka, tu viens de finir son mix. Le 59 est venu nous rejoindre. Donc, on a modus operandi, les tribunes, un cabal, à 180. Hein, pour tous les goûts, toutes les couleurs. Voilà, ils sont venus jusqu'à nous pour cette dernière émission 2009 et puis même dans ces locaux-là, parce qu'après, voilà, ça va fermer. Donc, c'est la dernière. Je me suis. Il restera quand même l'émission Sister Zone jeudi prochain en direct avec Josie et ses acolytes. Et plein de filles, hein, Sister Zone, ça va être. Ouais, tous rendez-vous ici. Hein. Donc, c'est Ronito, Rinx, monsieur qui va attaquer. Et puis, ben, on vous laisse, on vous dit dans une heure. Je me suis. Allez, film, ciao. Eh bien, dépourvu de vie, détesté et redouté. Je suis mort. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis. Dracula. We'll be right back. human civilization. But others know better. We are haunted. We'll be right back. everything. Beginning at the end.

act our own Thank you. Ornithorac, yo, 59 représente. C'est Stéréo Tommy qui va prendre la relève. Et qui part, yo.